Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 19 juin, nous souhaitons tout d'abord une bonne fête au Romuald, ça vient du germanique signifiant « glorieux gouverneur ». Romuald est un homme séduisant, agréable dans les contacts humains où il se montre ouvert, communicatif et compréhensif. Toutefois, bien qu'apparaissant assez timide et discret, tendant à s'effacer, il est partagé entre son intérêt pour les autres, auquel il prête attention, et son désir personnel d'être reconnu à sa juste valeur. Il cherche en effet à obtenir la première place. Gai et enthousiaste, il peut se révéler assez impatient. Il est très nerveux et capricieux et n'est pas à l'abri d'explosions de colère. Vif d'esprit, adaptable, adroit, Romuald possède un certain sens pratique. Sa mémoire est bonne. Il n'a pas de problème intellectuel, excelle dans la pratique des langues étrangères et dans l'expression orale ou écrite. Il s'est parfaitement usé de son charme et de son sens de la persuasion pour arriver à ses fins. Son adresse ainsi que son adaptabilité lui sont profitable. Curieux, il aurait une fâcheuse tendance à la dispersion ou à l'éparpillement, goûtant particulièrement à la diversité et au changement. Et nous fêtons également aujourd'hui les Gervais, ça vient du germanique prêt au combat. Ce sont des hommes séduisants et d'un commerce agréable puisque sociable, communicatif, gai et souriant. Leurs qualités sont habituellement sensibilité, émotivité, tact, tolérance. Ils sont aussi idéalistes de nature, parfois même avec un certain esprit réformiste. Ils aiment que tout le monde soit heureux autour d'eux. La vie affective est très importante pour eux. Lorsqu'ils sont déçus ou se sentent incompris ou mal aimés, ils perdent une bonne partie de leur énergie, voire même de leurs possibilités. Assez curieux, tout les intéresse et tout les amuse, ce qui les amène à aborder de nombreux domaines qu'ils ne font parfois qu'effleurer. Les Gervais possèdent souvent une très belle voix. Charmeurs et enjôleurs, ils ont l'art de rétablir toute situation périlleuse. Ils sont souples, adaptables, leur esprit est vif et rusé. Ils sont très sympathiques. Dicton du jour, à Saint-Gervais, pense à tes navets. Quand il pleut à la Saint-Gervais, il pleut 40 jours après. Qu'il pleuve à Saint-Gervais, en partie sera pourri le blé. Saint-Gervais, quand il est beau, tire Médard et Barnabé de l'eau. Célébration internationale, aujourd'hui journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose, maladie génétique résultant d'une mutation sur le gène codant l'hémoglobine. Aux États-Unis, c'est Juneteenth, aussi appelé Freedom Day ou Emancipation Day, fête de l'émancipation qui commémore dans 31 États l'annonce de l'abolition de l'esclavage faite au Texas en 1865. Aux Philippines, à Palawan, c'est la fête de la forêt. En Uruguay, c'est la fête des grands-pères et également Nunca Más, qui signifie plus jamais, en souvenir de la dictature militaire de 1973 à 1985. Et dans les événements qui se sont déroulés un 19 juin 1767, Samuel Wallis, capitaine britannique, abordait l'île de Tahiti au cours d'un voyage autour du monde. 1990, signature à Schengen au Luxembourg de la convention du même nom sur la libre circulation entre la France, la République fédérale d'Allemagne et les trois pays de Benelux. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Paula Abdul et son titre Rush Rush. Hurry, hurry. Sur RGM, il est presque 8h39, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 19 juin 1954, naissance de Philippe Manœuvre, journaliste, animateur télé et radio français. 1960, naissance de Laurent Gamelon, acteur français vu dans Prof, Le Placard, La Doublure, La Maison du Bonheur dans le rôle de Donatello Pirelli, Rien à déclarer dans le rôle de Duval, Neuilly sa mère, la série télé Diane Femme Flic dans le rôle du commissaire divisionnaire Serge Caro, Joséphine Ange Gardien, Une Famille Formidable saison 9 et 10 dans le rôle de François Fabiani et Clem des saisons 2 à 5 ainsi que dans la saison 8 dans le rôle de Jean-Paul Boissier, le père de Clem. 1962, naissance de Paula Abdul, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance d'Anthony Edwards, acteur américain connu pour son rôle du lieutenant J.J. Nick Bradshaw alias Goose dans le film Top Gun et son rôle du docteur Mark Green dans la série télé Urgence. 1972, naissance de Jean Dujardin, acteur français vu dans Ah si j'étais riche, Bienvenue chez les Roses, Les Dalton, Brice de Nice dans le rôle de Brice Agostini alias Brice de Nice, 1 et 3, le troisième étant sorti en 2016, c'est pas si vieux que ça. OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, OSS 117, Rio ne répond plus dans le rôle de Hubert Bonisseur de la Batte alias OSS 117, 99 francs, Lucky Luke dans le rôle de Lucky Luke, Les Petits Mouchoirs dans le rôle de Ludo, The Artist dans le rôle de Georges Valentin, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, Les Infidèles, Le Loup de Wall Street dans le rôle de Jean-Jacques Sorel, Monument Man de Georges Clooney dans le rôle de Jean-Claude Clermont, Chacun sa vie. Il sera bientôt à l'affiche du film J'accuse, sortie prévue pour la fin de l'année dans le rôle de Marie-Georges Picard. On le connaît bien évidemment surtout pour son rôle de Jean, c'est grâce à ça qu'on l'a découvert dans la série Un gars, une fille, et il est apparu également dans la série 10%. C'est également l'année de naissance de Robin Tunney, actrice américaine vue dans Dr House, Prison Break dans le rôle de Veronica Donovan et Mentaliste dans le rôle de Teresa Lisbonne. C'est aussi l'année de naissance de Poppy Montgomery, actrice australienne vue dans la série Relativity, oui c'est ça, FBI Portée Disparue dans le rôle de Samantha Spade, Unforgettable dans le rôle de Carrie Wells, le téléfilm L'Amour XXL dans le rôle de Nola Devlin et J.K. Rowling Rowling, la magie des mots, dans le rôle de J.K. Rowling. 1973, naissance de Nadia, chanteuse française. 1975, naissance de Hugh Dancy, acteur britannique, vu dans La chute du Faucon Noir. Le roi Arthur, Basic Instinct 2, dans le rôle d'Adam Towers, confession d'une accro du shopping. La série télé Hannibal, dans le rôle de l'agent spécial Will Graham. 1978, naissance de Mia Maestro, actrice argentine, vue dans la série Alias, dans le rôle de Nadia Santos, la série Hannibal, dans le rôle d'Allegra Pazzi, ou encore la saison 5 de la série Scandal, dans le rôle d'Elise Martin. C'est également l'année de naissance de Zoe Saldana, actrice américaine, vue dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, dans le rôle d'Anna Maria, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite, dans le rôle de Nyota Uhura, Avatar dans le rôle de Neytiri, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le second volet dont on attend impatiemment la sortie, normalement 2021. Vu également dans Takers, Colombiana dans le rôle de Catelaya Restrepo, Blood Ties, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 dans le rôle de Gamora, ainsi que dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, encore au cinéma il me semble. 1979, naissance de Cécile Hernandez-Cerveillon, snowboardeuse handisport française qui aux Jeux Paralympiques compte 2 médailles d'argent et 1 de bronze, aux championnats du monde 1 médaille d'or et 3 d'argent. 1980, naissance de Lauren Lee Smith, actrice canadienne, vue dans la série télé The L Word dans le rôle de Lara Perkins, psych-enquêteur malgré lui, The Listener dans le rôle du sergent Michel McCluskey, Les Enquêtes de Murdoch ou encore Saving Hope. 1981, naissance de Clémentine Poidatz, actrice française, vue dans Marie-Antoinette dans le rôle de la comtesse de Provence, La frontière de l'aube, Les yeux jaunes des crocodiles dans le rôle de Caroline Vibert, à la télévision dans Les hommes de l'ombre ou encore Profilage. 1983, naissance de Macklemore, chanteur américain. C'est également l'année de naissance d'Edan Turner, acteur irlandais, vu dans la trilogie du Hobbit dans le rôle de Killy, dans la série télé Paul Dark depuis 2015 dans le rôle du capitaine Ross Paul Dark. 1984, naissance de Paul Dano, acteur américain vu dans Little Miss Sunshine dans le rôle de Dwayne, 12 Years a Slave dans le rôle de John Tibbetts ou encore la série Les Sopranos dans le rôle de Patrick Wallen. 1986, naissance de Marie-Dora Imbert, ancienne biathlète française ayant fait carrière de 2003 à 2018, championne olympique du relais mixte et médaillée de bronze du relais féminin à Pyeongchang en 2018, vice-championne olympique avec le relais féminin et médaillée de bronze du sprint à Vancouver en 2010 et également quintuple championne du monde grâce à ses titres lors du sprint et de la poursuite en 2015 ainsi que lors du relais mixte, de l'individuel et de la mass start en 2016. Elle détient également à son beau palmarès 16 autres médailles au championnat du monde, dont 10 obtenues en relais et un total de 7 victoires en Coupe du Monde. 1998, naissance d'Atticus Sheffer, acteur américain, connu pour son rôle de Brick Heck dans la série télé The Middle. En 1986, décédé Coluche, humoriste, comédien français et réalisateur également, puisqu'il a réalisé Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. En tant qu'acteur, on a pu le voir dans L'aile ou la cuisse dans le rôle de Gérard Duchemin, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, dans le rôle du roi Gros Pif, Inspecteur La Bavure dans le rôle de Michel Clément, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Banzai, Ciao Pantin dans le rôle de Lambert ou encore Le Bon Roi d'Agobert. En 1997, décédé Bobby Helms, chanteur américain connu pour le titre Jingle Bell Rock. Alors, on est presque en été, mais là on va retourner un petit peu bien en hiver, on se croirait à Noël. Petit extrait. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Voilà pour le petit extrait. Allez, on continue. En 2011, décédé Don Diamond, acteur américain connu pour avoir joué le rôle du caporal Reyes dans la fameuse série Zorro. Et en 2013, décédé James Gandolfini, acteur américain connu pour son rôle de Tony Soprano dans la série Les Sopranos. Allez, avant de marquer une nouvelle pause musicale, comme tous les mercredis, eh bien, on va faire un point sur les sorties cinéma. Et on commence tout de suite avec le film Beaux-parents, comédie d'Hector Cabello Reyes avec Josiane Balasco, Didier Bourdon ou encore Bruno Benabar. Autre film, Tolkien, biopic, drame de Dom Karukowski avec Nicolas Hoult, Lily Collins ou encore Colm Meaney. Autre film, Child's Play, La poupée du mal, film d'épouvante, d'horreur de Lars Klevberg avec Aubrey Plaza, Gabriel Bateman ou encore Brian Thierry Henry. Autre film, Le Dain, comédie de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Hanel et Albert Delpy. Et enfin, dernier film, Nourriv, biopic drame de Ralph Fiennes avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos ou encore Raphaël Personnaz. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec la chanteuse Nadia et son titre, et c'est parti. Just another one. Nadia. Nadia sur le 107 FM. Un petit peu plus de 8h50, je peux même dire presque 8h51. Et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Eh bien, une belle journée, enfin presque belle journée ensoleillée aujourd'hui, en tout cas pour ce matin. Cet après-midi, ça risque de se couvrir par endroits et des orages sont à prévoir pour ce soir. Des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 26 et 27 degrés cet après-midi. Jeudi, pluie et orages, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, journée plutôt mitigée, hein, dommage pour la fête de la musique. Espérons que ça change d'ici là. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec du football et on va parler des Bleuets avec leur Euro. Ça a été un petit peu compliqué hier soir, hein, face à l'Angleterre, mais au final la France s'impose 2-1, des buts inscrits à la 89e et à la 95e. Un mot de tennis avec le tournoi du Queen's où les matchs ont été reportés à cause de la météo. À Halle, Joe Wilfried Tsonga s'est imposé en 2-7 face à son compatriote Benoît Paire, 6-4, 7-5. Richard Gasquet, pour son anniversaire, s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-4 face à Gojovzik. Aujourd'hui, Herbert affrontera Stakowski. Et à Majorque, hier, Caroline Garcia s'est qualifiée en 3-7 face à Azarenka, 1-6, 6-4, 7-5. Alizé Cornet s'est qualifiée en 2-7 face à Soribes Tormo, 6-0, 6-1. Pas de Française sur les cours aujourd'hui. Et un mot de hockey sur glace avec l'Épinal Hockey Club qui a annoncé hier la prolongation de Nicolas Ravel, gardien de but d'Épinal. Et sport, ce samedi, c'est la journée olympique en partenariat avec la fête du sport à Épinal, je vous le rappelle. C'est place de la Chipote. Et voilà, petite actualité sportive ce matin. On va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Macklemore et son tube Candle Dust. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back-crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta hit it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Macklemore sur RGM, un peu plus de 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 10h, les ados avec l'IME, 11h30 en route vers l'insertion, c'est avec Chris, 13h30 la rediffusion de la chronique d'Amadou, 14h Priado consacrée à Nadia Coste, à 15h Bolekar, à 20h Nothing But The Blues, 21h La Big Antenne et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.